La femme de Jules Michelet. Introduction. Chapitre 1. Pourquoi l'on ne se marie pas? Il n'est personne qui ne voit le fait capital du temps. Par un concours singulier de circonstances sociales, religieuses, économiques, l'homme vit séparé de la femme. Et cela de plus en plus. Ils ne sont pas seulement dans des voies différentes et parallèles, ils semblent deux voyageurs partis de la même station, l'un à toute vapeur, l'autre à petite vitesse, mais sur des rails divergents. L'homme, quelque faible qu'il puisse être moralement, n'en est pas moins dans un chemin d'idées, d'inventions et de découvertes si rapides que le rail brûlant en lance des étincelles. La femme, fatalement laissée en arrière, reste au sillon d'un passé qu'elle connaît peu elle-même. Elle est distancée, pour notre malheur, mais ne veut ou ne peut aller plus vite. Le pis, c'est qu'il ne semble pas pressé de se rapprocher. Il semble qu'il n'ait rien à se dire. Le foyer est froid, la table muette. Et le lit glacé. On n'est pas tenu, disent-ils, de se mettre en frais pour les siens. Mais ils n'en font pas davantage dans une société étrangère où la politesse commande. Tout le monde voit chaque soir comme un salon se sépare en deux salons, un des hommes et un des femmes. Ce qu'on n'a pas assez vu, ce qu'on peut expérimenter, c'est que dans une petite réunion amicale d'une douzaine de personnes, si la maîtresse de maison exige par une douce violence que les deux cercles se fondent, que les hommes causent avec les femmes, le silence s'établit, il n'y a plus de conversation. Il faut dire nettement la chose comme elle est. Ils n'ont plus d'idées communes, ni de langage commun, et même sur ce qui pourrait intéresser les deux parties, on ne sait comment parler. Ils se sont trop perdus de vue. Bientôt, si l'on y prenait garde, malgré les rencontres fortuites, ce ne serait plus deux sexes, mais deux peuples. Rien d'étonnant si le livre qui combattait ces tendances, un petit livre de cœur, sans prétention littéraire, a été de toutes parts amèrement critiqué. L'amour venait naïvement se jeter dans le divorce, invoquait la bonne nature et disait « Aimez encore ». À ce mot, d'aigres cris s'élèvent. On avait touché la fibre malade. Non, nous ne voulons pas aimer. Nous ne voulons pas être heureux. Il y a là-dessous quelque chose. Sous cette forme religieuse qui divinise la femme, il a beau fortifier, émanciper son esprit, il veut une idole esclave et la lier sur l'autel. Ainsi au mot d'union éclata le mal du temps, division, dissolution, les tristes goûts solitaires, les besoins de la vie sauvage qui couvent au fond de leur esprit. Des femmes lurent et pleurèrent. Leur directeur, religieux ou philosophe, n'importe, dictèrent leur langage. À peine osèrent-elles faiblement défendre leurs défenseurs. Elles firent mieux. Elles relurent, dévorèrent le coupable livre. Elles le gardent pour les heures libres et l'ont caché sous l'oreiller. Cela le console fort, ce livre si malmené, et des injures de l'ennemi et des censures de l'ami. Ni les hommes du Moyen-Âge, ni ceux de la femme libre n'y trouvaient leur compte. L'amour voulait retirer la femme du foyer. Il préfère pour elle le trottoir ou le couvent. Un livre pour le mariage, pour la famille, scandale. Faites-nous plutôt, je vous prie, 30 romans pour l'adultère. À force d'imagination, rendez-le un peu amusant. Vous serez bien mieux reçu. Pourquoi fortifier la famille ? Dit un journal religieux. N'est-elle pas parfaite aujourd'hui? Il y a bien eu autrefois ce qu'on appelait l'adultère, mais cela ne se voit plus. Pardon, répond un grand journal politique dans un feuilleton spirituel qui a extrêmement réussi. Pardon, cela se voit encore. Et même on le voit partout. Mais cela fait si peu de bruit, on y met si peu de passion, qu'on n'en vit pas moins doucement. C'est chose inhérente au mariage français et presque une institution. Chaque nation a ses mœurs et nous ne sommes point anglais. Doucement, oui, voilà le mal. Ni le mari ni l'amant n'en sont troublés, elles non plus. Elles voudraient se désennuyer, voilà tout. Mais dans cette vie tiède et pâle, où l'on met si peu de cœur, où l'on dépense si peu d'art, où pas un des trois ne daigne faire l'effort de manière ou d'autre, tous baissent, tous bâillent, s'affadissent d'une nauséabonde douceur. Chacun est bien averti, et personne n'a envie de ce mariage. Si nos lois de succession ne faisaient la femme riche, on ne se marierait plus, du moins dans les grandes villes. J'entendais à la campagne un monsieur marié et père de famille, bien posé, qui endoctrinait un jeune homme de son voisinage. « Si vous devez rester ici, disait-il, il faudra bien vous marier, mais si vous vivez à Paris, cela n'en vaut pas la peine. » Il est trop aisé de faire autrement. On sait le mot qui marqua la fin du peuple le plus spirituel de la terre, du peuple d'Athènes. Ah, si nous pouvions sans femme avoir des enfants. Ce fut bien pis dans l'Empire. Toutes les pénalités légales, ces lois Julia qui croyaient marier l'homme à coups de bâton, ne parvinrent plus à le rapprocher de la femme. Et il sembla même que le désir physique, cette belle fatalité qui aiguillonne le monde et centuple ses énergies, se fût éteint ici-bas. Pour ne plus voir une femme, on fuyait jusqu'en Thébaïde. Les motifs qui, aujourd'hui, non seulement font craindre le mariage, mais éloignent de la société des femmes, sont divers et compliqués. Le premier, incontestablement, c'est la misère croissante des filles pauvres qui les met à discrétion, la facilité de posséder ces victimes de la faim. De là la satiété et l'énervation, de là l'inaccoutumance d'un amour plus élevé, l'ennui mortel qu'on trouverait à solliciter longuement ce que si facilement on peut avoir chaque soir. Celui-même qui aurait d'autres besoins et des goûts de fidélité, qui voudrait aimer la même, préfère infiniment une personne dépendante, douce, obéissante, qui ne se croyant aucun droit, pouvant être quittée demain, ne s'écarte d'un pas et veut plaire. La forte et brillante personnalité de nos demoiselles qui, trop souvent prend l'essor le lendemain du mariage, effraie le célibataire. Il n'y a pas à plaisanter, la Française est une personne. C'est la chance d'un bonheur immense, mais parfois d'un malheur aussi. Nos excellentes lois civiles, qui sont celles de l'avenir et vers qui gravite le monde, n'en ont pas moins ajouté à cette difficulté inhérente du caractère national. La Française hérite et le sait. Elle a une dot et le sait. Ce n'est pas comme en certains pays voisins où la fille, si elle est dotée, ne l'est qu'en argent. Fluide qui file aux affaires du mari. Ici, elle a des immeubles. Et même quand ses frères veulent lui en donner la valeur, la jurisprudence s'y oppose et la maintient riche en immeubles, garantis par le régime dotal ou certaines stipulations. Cette fortune le plus souvent est là qui subsiste. Cette terre ne s'envole pas, cette maison ne s'écroule pas. Elle reste pour lui donner voix au chapitre, lui maintenir une personnalité que n'ont guère l'anglaise ou l'allemande. Celles-ci, pour ainsi parler, s'absorbent dans leur mari. Elles s'y perdent corps et bien, si elles ont quelque bien. Aussi elles sont, je crois, plus déracinées que les nôtres de leur famille natale, qui ne les reprendrait pas. La mariée compte comme morte pour les siens, qui se réjouissent d'avoir placé une fille dont ils n'auront jamais la charge désormais. Quoi qu'il arrive, et quelque part que l'amène son mari, elle ira et restera. À de pareilles conditions, on craint moins le mariage. Une chose curieuse en France, contradictoire en apparence et qui ne l'est pas, c'est que le mariage est très faible et très fort l'esprit de famille. Il arrive, surtout en province, dans la bourgeoisie de campagne, que la femme, mariée quelque temps une fois qu'elle a des enfants, fait de son âme deux parts, l'une aux enfants, l'autre aux parents, à ses premières affections qui se réveillent. Que garde le mari? Rien. C'est ici l'esprit de famille qui annule le mariage. On ne peut pas se figurer comme cette femme est ennuyeuse, se renfonçant dans un passé rétrograde, se remettant au niveau d'une mère d'esprit surannée, tout imbue de vieilles choses. Le mari vit doucement, mais baisse vite, découragé, lourd, propre à rien. Il perd ce que, dans ses études, dans une jeune société, il avait gagné d'idées pour aller un peu en avant. Il est bientôt amorti par la dame propriétaire, par le pesant étouffement du vieux foyer de famille. Avec une dot de 100 000 francs, on enterre ainsi un homme qui peut-être chaque année aurait gagné 100 000 francs. Le jeune homme se le dit, à l'âge du long espoir et de la confiance. D'ailleurs, qu'il ait plus, qu'il ait moins, n'importe. Il veut courir sa chance, savoir de quoi il est capable. Il envoie au diable la dot. Pour peu qu'il ait quelque chose qui batte sous la mamelle gauche, il n'ira pas, pour 100 000 francs, se faire le mari de la reine. Voilà ce que m'ont dit souvent les célibataires. Ils m'ont encore dit ceci, un soir que j'en avais chez moi 5 ou 6, et de grand mérite, et que je les tourmentais sur leur prétendu célibat. Un d'eux, savant distinguer, me dit très sérieusement ses propres paroles. « Monsieur, ne croyez nullement, quelque distraction qu'on puisse trouver au dehors, qu'on ne soit pas malheureux de n'avoir pas de foyer. Je veux dire, une femme à soi, qui vraiment vous appartienne. Nous le savons, nous le sentons. Nul autre repos pour le cœur. Et ne l'avoir pas, monsieur, sachez que c'est une vie sombre, cruelle et amère. Amère. » Sur ce mot-là, les autres insistèrent et dirent comme lui. « Mais, dit-il en continuant, une chose nous en empêche. » Tous les travailleurs sont pauvres en France. On vit de ses appointements, on vit de sa clientèle, etc. On vit juste. Moi, je gagne 6 000 francs. Mais telle femme à laquelle je pourrais songer dépense autant pour sa toilette. Les mères les élèvent ainsi. En supposant qu'on me la donne, cette belle, que deviendrai-je le lendemain, quand, sortie d'une maison riche, elle va me trouver si pauvre. Si je l'aime, et j'en suis capable. Imaginez les misères, les lâchetés dont je puis être tentée pour devenir un peu riche, et lui déplaire un peu moins. Je me souviendrai toujours que me trouvant dans une petite ville du Midi où l'on envoie les malades à la mode, je vis passer sur une place où les mulets se roulaient dans une épaisse poussière une surprenante apparition. C'était une fort belle dame, courtisanesquement vêtue, une dame pourtant, non une fille, 25 ans, gonflée, ballonnée, dans une fraîche et délicieuse robe de soie bleue de ciel, nuée de blanc, chef-d'œuvre de Lyon, qu'elle traînait outrageusement par les endroits les plus sales. La terre ne la portait pas. Sa tête blonde et jolie, le nez au vent, son petit chapeau d'amazone qui lui donnait l'air d'un petit page équivoque, toute sa personne disait « Je me moque de tout ». Je sentais que cette idole, monstrueusement amoureuse d'elle-même, avec toute sa fierté, n'appartenait pas moins d'avance à ceux qui la flatteraient, qu'on s'en jouerait avec des mots et qu'elle n'en était pas même à savoir ce que c'est qu'un scrupule. Je me souvins de Salomon. Er tergens os sum dixit, non sum operata malum. Cette vision m'est restée. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un accident. C'est la mode. Ce sont les mœurs du temps que j'ai vu passer. Et j'en garderai toujours la terreur du mariage. Pour moi, dit un autre plus jeune, l'obstacle, l'empêchement, dit Rimand, ce n'est pas la crinoline, monsieur, c'est la religion. On rit, mais lui s'animant, oui, la religion. Les femmes sont élevées dans un dogme qui n'est point le nôtre. Les mères qui veulent tant marier leurs filles leur donnent l'éducation propre à créer le divorce. Quel est le dogme de la France? Si elle ne le sait elle-même, l'Europe le sait très bien. Sa haine le lui dit à merveille. Pour moi, c'est un ennemi, un étranger très rétrograde, qui me l'a un jour formulé. Ce qui nous rend votre France haïssable, disait-il, c'est que, sous un mouvement apparent, elle ne change pas. C'est comme un phare à éclipse, à feu tournant. Elle montre, elle cache la flamme, mais le foyer est le même. Quel foyer? L'esprit voltairien, bien antérieur à Voltaire. En second lieu, 89. Les grandes lois de la Révolution. Troisièmement, les canons de votre pape scientifique, l'Académie des sciences. Je disputais, il insista, et je vois qu'il avait raison. Oui, quelles que soient les questions nouvelles, 89 est la foi de ceux-mêmes qui ajournent 89 et le renvoient à l'avenir. C'est la foi de toute la France. C'est la raison pour laquelle l'étranger nous condamne en masse et sans distinction de parti. Eh bien, les filles de France sont élevées justement à haïr et dédaigner ce que tout Français aime et croit. Par deux fois, elles ont embrassé, lâché, tué la Révolution. Premièrement au XVIe siècle, quand il s'agissait de la liberté de conscience, puis à la fin du XVIIIe, pour la liberté politique. Elles sont vouées au passé, sans trop savoir ce que c'est. Elles écoutent volontiers ceux qui disent avec Pascal « Rien n'est sûr ». Donc, croyons l'absurde. Les femmes sont riches en France. Elles ont beaucoup d'esprit et tous les moyens d'apprendre. Mais elles ne veulent rien apprendre, ni se créer une foi. Qu'elles rencontrent l'homme de foi sérieuse, l'homme de cœur, qui croit et aime toutes les vérités constatées, elles disent en souriant « Ce monsieur ne croit à rien. » Il y eut un moment de silence. Cette sortie un peu violente avait pourtant, je le vis, enlevé l'assentiment de tous ceux qui étaient là. Je leur dis, si l'on admettait ce que vous venez d'avancer, je crois qu'il faudrait dire aussi qu'il en a été de même bien souvent dans d'autres âges, et qu'on se mariait pourtant. Les femmes aimaient la toilette, le luxe, étaient rétrogrades. Mais les hommes de ces temps-là, sans doute, étaient plus hasardeux. Ils affrontaient ces périls, espérant que leur ascendant, leur énergie, l'amour surtout, le maître, le vainqueur des vainqueurs, opéreraient en leur faveur d'heureuses métamorphoses. Intrépide Curtius, il se lançait hardiment dans ce gouffre d'incertitude. Et fort heureusement pour nous, car messieurs, sans cette audace de nos pères, nous ne naissions pas. Maintenant, permettez-vous à un ami plus âgé de vous parler avec franchise. Eh bien, j'oserais vous dire que si vous étiez vraiment seul, si vous supportiez sans consolation cette vie que vous trouvez amère, vous vous presseriez d'en sortir. Vous diriez, l'amour est fort et il peut tout ce qu'il veut. Plus grande sera la gloire de convertir à la raison ces beautés absurdes et charmantes. Avec une grande volonté déterminée et persévérante, un milieu choisi, un entourage habilement calculé, on peut tout. Mais il faut aimer, aimer fortement, et la même. Point de froideur, la femme cultivée et désirée, infailliblement appartient à l'homme. Si l'homme de ce temps-ci se plaint de n'aller pas à l'âme, c'est qu'il n'a pas ce qui la dompte, la force fixe du désir. Maintenant, pour parler seulement du premier obstacle allégué, de l'orgueil effréné des femmes, de leur furie de toilette, etc., il me semble que ceci s'adresse surtout aux classes supérieures, aux dames riches, ou à celles qui ont occasion de se mêler au monde riche. C'est 200 ou 300 000 dames. Mais savez-vous combien de femmes il y a en France? 18 millions. 1 800 000 à marier. Il y aurait bien de l'injustice à les accuser en masse des torts et des ridicules de la haute société. Si elles l'imitent de loin, ce n'est pas toujours librement. Les dames, par leur exemple et souvent par leur mépris, leur risée, à l'étourdie, font en ce sens de grands malheurs. Elles imposent un luxe impossible à de pauvres créatures qui parfois ne l'aimeraient pas, mais qui par position, pour des intérêts sérieux, sont forcées d'être brillantes, et pour l'être, se précipitent dans les plus tristes hasards. Les femmes, qui ont entre elles une destinée à part, et tant de secrets communs, devraient bien s'aimer un peu et se soutenir, au lieu de se faire la guerre. Elles se nuisent dans 1 000 choses, indirectement. La dame riche, dont le luxe change la toilette, des classes pauvres, fait grand tort à la jeune fille. Elle empêche son mariage. Nul ouvrier ne se soucie d'épouser une poupée si coûteuse à habiller. Restée fille, elle est, je suppose, demoiselle de comptoir, de magasin, mais là même, la dame lui nuit encore. Elle aime mieux avoir affaire à un commis en habit noir, flatteur, plus femme que les femmes. Les maîtres de magasin ont été ainsi conduits à substituer à grands frais le commis à la demoiselle, qui coûtait bien moins. Celle-ci, que deviendra-t-elle? Si elle est jolie, à 20 ans, elle sera entretenue et passera de main en main. Flétrie bientôt avant 30, elle deviendra couseuse et fera des confections à raison de 10 sous par jour. Nul moyen de vivre sans demander chaque soir son pain à la honte. Ainsi, la femme au rabais, par une terrible revanche, va rendant de plus en plus le célibat économique, le mariage inutile. Et la fille de la dame ne pourra pas se marier. Voulez-vous, messieurs, qu'en 2 mots, je vous esquisse le sort de la femme en France? Personne ne l'a fait encore avec simplicité. Ce tableau, si je ne me trompe, doit toucher votre cœur et vous éclairer peut-être. vous empêcher de mêler des classes fort différentes dans un même anathème.